une expérience qui se déroule, comme dit l'autre, entre la naissance et la mort, avec, entre les deux, un corps qui a des souffrances ou des joies, qui a des maladies ou au contraire des plaisirs. Mais le mot « vie » désigne aussi le récit de ce qui se passe pendant ce temps entre la naissance et la mort. Quand on parle de la vie de Jean Racine ou de la vie d'Hector Berlioz, eh bien, on ne parle pas au fond de sa santé ou de sa maladie. Peut-être on peut en parler, mais en tant qu'il s'intègre à son expérience individuelle, à son histoire, à ce qu'on appellera non pas sa biologie, mais au contraire sa biographie. Oui, le mot « vie » désigne à la fois l'expérience objective d'un corps et le récit qu'en fait un sujet. Il est tout autant biographique que biologique. Et le propre de la vie humaine, précisément, c'est de ne pas pouvoir distinguer le biologique et le biographique, les conditions communes de la vie organique et puis l'expérience individuelle de la vie, d'une vie qui se distingue des autres et qui fait toujours partie d'une histoire individuelle, mais aussi d'une histoire collective, comme dans le titre extraordinaire, de ce qui n'est pas une autobiographie simplement du livre d'Aaron Appelfeld intitulé « Histoire d'une vie ». Histoire d'une vie, cela veut dire effectivement que la vie rentre à la fois dans le récit, peut-être aussi avec une part de fiction qui ouvre sur ses romans, mais aussi dans l'histoire avec sa grande hache, comme disait Georges Perec, cette image est bien connue, la vie qui rentre dans l'histoire du siècle, l'histoire collective avec parfois ses violences et ses souffrances. Du coup, la question qui semble d'abord esthétique, littéraire, locale, superficielle, secondaire, comment raconter une vie? Cette question inversement devient essentielle, vitale et presque biologique. Oui, comment raconter une vie? Ce n'est pas seulement une question esthétique, c'est une question éthique, c'est aussi une question politique. C'est comment intégrer la vie individuelle à l'histoire collective et comment comprendre que la souffrance individuelle ou les bonheurs individuels font aussi partie de l'expérience concrète, peuvent avoir un effet vital. Et on sait que l'éthique narrative, le fait de raconter par exemple sa maladie fait maintenant partie de la bioéthique, de la prise en charge des patients, des malades qui ont besoin de dire la maladie, comme le dit un livre récent, de raconter leur histoire. Le récit fait partie de la vie, il rejoint le biologique par un autre biais, en passant par le langage et par la culture. Oui, raconter sa vie, ce n'est pas seulement un délire rétrospectif d'une personne qui raconte sa vie, qui bavarde, là, il nous raconte sa vie, c'est interminable. Non, c'est une dimension éthique fondamentale. Comment peut-on y arriver? C'est la question. Paul Ricoeur avait le premier peut-être à la fin du XXe siècle abordé cette question dans trois grands livres intitulés « Temps et récit » avec une forme d'optimisme. Le récit est, dit-il, ce qui reconfigure la vie, ce qui la rétablit, ce qui la reconstruit. Oui, mais il y a dans une vie des événements qui peuvent briser une vie et que le récit doit aussi enregistrer comme des fractures. Oui, il y a aussi une invention littéraire difficile, il y a des vérités inexprimables, il faut prendre des détours pour exprimer l'histoire d'une vie, les fractures d'une vie et la faire partager aux autres, ce qui est essentiel. Non, ce n'est pas si facile. Comment raconter une vie? C'est encore une question politique pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page Le Pourquoi du Comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui c'était Jules Barbier en compagnie de Manon Delasalle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger et Laurence Malonda qui réalisent pour vous cette semaine à la lecture des textes. C'était Denis Podalides, à la prise de son évidemment vous l'avez reconnu Jean-Frédérix. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour d'Émile Cioran. Demain on sera en compagnie de Simona Modréanou et on se demandera ce que c'est que de vivre dans un monde raté. Et oui, peut-être un démiurge a-t-il construit le monde de manière à ce que celui-ci ne fonctionne pas? On explorera cette hypothèse demain à 10h donc jusqu'à 10h50. On philosophe à heure fixe ici n'en déplaise à Émile Cioran. D'ici là, vous pouvez également réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast, toutes les émissions d'ailleurs de tout le groupe de Radio France. Et vous verrez, vous pourrez garder les émissions aussi longtemps que vous le souhaitez et les écouter où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain donc, pour la suite d'Émile Cioran, désespérément. D'ici là,